La dernière supernova, un roman de Éric Simon. Août 2025. La capsule Antares, avec son module de service, était suffisamment vaste pour ne pas se sentir à l'étroit à 5. Le trajet devait durer 9 mois. C'était assez long pour se retrouver avec un sentiment d'incarcération. L'environnement clos était l'un des aspects les plus difficiles à gérer, avec celui de l'éloignement. Même si l'aller devait durer 9 mois, il n'y avait pas de possibilité de faire demi-tour une fois lancé. La trajectoire était balistique. Dans le pire des cas, s'il fallait annuler l'arrivée sur la planète rouge pour une raison quelconque, il faudrait aller jusqu'à son voisinage, puis en faire le tour, pour ensuite repartir vers la Terre, cette fois en un peu plus de 9 mois. La plupart des astronautes ne voulaient pas penser à ce scénario qui était sans doute le plus frustrant de tous. L'entraînement intensif avait commencé sur les chapeaux de roue avec des tests de microgravité en piscine. La compagnie avait fait construire un grand complexe aquatique destiné à la fois aux entraînements de microgravité avec tous les instruments et tous les équipements qu'on pouvait imaginer, et aussi destiné aux loisirs des astronautes en devenir. Craig était rentré enchanté de son petit tour d'Europe, mais il fallait s'y remettre maintenant. Les tests en piscine étaient tout nouveaux pour lui. Il s'était souvent demandé si les scaphandres qui étaient utilisés lors de ses entraînements étaient les vrais scaphandres spatiaux. La réponse, négative, arriva vite. Les combinaisons qu'il devait revêtir étaient des copies conformes des combinaisons spatiales, mais conçues pour être complètement étanches à l'eau, alors que les combinaisons spatiales n'avaient aucune raison d'être étanches à l'eau, même si la capsule était censée amerrir au retour. Pour entrer dans la piscine, ils étaient suspendus à des sortes de filins qui les descendaient jusqu'à 1 mètre de profondeur, puis les lâchaient. Leur premier exercice consistait à une acclimatation des gestes en microgravité. Craig était accompagné de 3 autres astronautes, Catherine, John et Carrie, ainsi que d'un instructeur. Une grosse maquette de module de service reposait sur le fond du bassin et ils devaient suivre les instructions qui leur étaient données dans le casque. Les outils se trouvaient eux aussi dans le faux module. Il fallait tout d'abord les reconnaître, puis les attraper de la manière la plus efficace, avant de s'en servir là encore le plus efficacement possible, la durée n'étant pas le critère le plus pertinent. Le résultat des manipulations, en termes de qualité de travail, primait sur tout le reste. Craig avait déjà fait de nombreuses sorties en plongée sous-marine dans les Caraïbes et jusqu'aux Seychelles, mais les sensations dans ce scaphandre étaient bien différentes. On respirait confortablement. L'air arrivait directement dans l'ensemble de la combinaison. On avait l'impression de flotter dans l'eau, littéralement, sans aucune force, ni vers le haut, ni vers le bas. Les combinaisons étaient personnalisées et lestées de telle manière à ce que l'astronaute ressente réellement une gravité nulle. Tout en accomplissant ses exercices, Craig se remémorait son périple en Italie qui l'avait conduit de Milan jusqu'aux Pouilles, en passant par la Toscane, et son trio mythique, Florence, Pise, Sienne. Puis Rome l'intemporelle, sans oublier Naples et son volcan menaçant. Cela faisait déjà sa deuxième publication depuis le début de sa thèse, en seulement 9 mois. Alors qu'en temps normal, 2 articles au cours d'une thèse, c'était déjà inespéré pour un chercheur doctorant. Mais on ne vivait pas des temps normaux avec une supernova dans le ciel. Christina avait fait le forcing pour que ce deuxième article, sur la réévaluation de la masse, qui fournissait donc un nouvel indice allant dans le sens de la conclusion de leur premier article, puisse paraître avant la fin de l'été, de manière à pouvoir présenter l'ensemble des résultats lors de la grande conférence annuelle de l'American Astronomical Society. Le grand raout biannuel avait lieu cette fois à Cleveland durant la dernière semaine d'août. Le précédent congrès de l'AAS, celui de décembre, avait été presque entièrement consacré à SN 2024 JG. Le programme de cette réunion estivale était encore majoritairement rempli par des recherches liées à Bételgeuse, mais les autres domaines de l'astrophysique semblaient revenir lentement à leur niveau d'avant octobre. C'est Christina qui présentait leurs travaux. Laura était restée en Italie. Le congrès avait lieu dans l'hôtel intercontinental qui comportait de gigantesques salles de conférences qui pouvaient être scindées en plusieurs salles grâce à un système de cloisons aphoniques amovibles. La climatisation était omniprésente et bien sûr obligatoire comme dans tous les bâtiments publics de l'Ohio. Le nombre de sessions parallèles était trop important, comme toujours dans les réunions de l'AAS, mais heureusement, une classification très détaillée avait été concoctée et le programme permettait de pouvoir suivre les présentations d'un domaine en entier ainsi que celles de domaines connexes au principal. Les organisateurs étaient toujours des scientifiques eux-mêmes. Ils n'avaient pas encore délégué complètement l'organisation de l'événement à une société spécialisée comme ça se voyait de plus en plus. Et ça se ressentait dans l'organisation. Plusieurs présentations évoquaient l'existence d'anomalies dans les données de la supernova, qui ne pouvaient pas être expliquées dans le cadre classique. Un représentant de Virgo présenta les données qui avaient été publiées en commun dans l'article de PRL, puis ce fut au tour des physiciens de LIGO de montrer des analyses similaires qui allaient elles aussi dans le sens de l'absence de trous noirs. L'article de Laura les avait sans doute libérés d'un doute et ils avaient fini par oser rendre public ce qu'ils pensaient depuis de longs mois. Christina suivit attentivement les résultats présentés par l'équipe de Ito Yakamura qui exploitait le détecteur de neutrinos géants de Hyperkaimokande. Eux aussi observaient une traîne dans la bouffée qu'ils attribuaient à la formation d'un pulsar et qui permettait de rejeter catégoriquement l'hypothèse trou noir. Mais Hiro annonça également la présence d'une anomalie dans la décroissance du flux de neutrinos post-explosion, les neutrinos de décroissance radioactive. Il disait que leur analyse de la distribution temporelle permettait de voir une petite fraction issue du couple nickel-56-cobalt-56, mais celle-ci semblait superposée à une autre population dont la demi-vie serait beaucoup plus longue, et que ça ne pouvait pas être le titane 44, qu'il n'arrivait pas à caractériser. Christina se dit « Ok, il voit la même chose que nous, c'est déjà ça. Ça vient pas de notre détecteur au moins. Mais ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose d'anormal. » Comme c'était tout chaud, Laura venait à peine de mettre en évidence cette anomalie dans leurs données, Christina n'avait pas prévu d'en parler dans son talk. Mais après avoir entendu Ito Yakamura, elle décida d'introduire elle aussi cette observation dans sa présentation. Si Ice Cube 2 ne voyait pas ce que voyait Hyperkaimokande, ça serait curieux. Il suffirait de rester prudente dans la conclusion sur ce point précis. Christina devait parler le lendemain, ce qui lui laissait la soirée pour modifier son PowerPoint. Il fallait fournir le fichier au chairman de la session au plus tard 2 heures avant de parler à l'auditoire. Elle était programmée à 11h20 pour 15 minutes, suivie de 5 minutes de questions. Christina fut extraite de ses pensées à la fin de la présentation. Un Chinois d'un certain âge posa une question au physicien japonais. Est-ce que vous avez cherché à voir si les périodes de décroissance que vous voyez pouvaient bien être celles du nickel 56, du cobalt 56 et du titane 44, mais toutes dilatées par un même facteur ? Je vois ce à quoi vous faites allusion, répondit rapidement Yakamura. Ici, en fait, la période paraît si grande que ce n'est pas possible qu'il s'agisse du mouvement d'expansion de l'enveloppe. Christina se dit « Mais ouais, ils n'ont pas regardé ça, et nous non plus !» Christina n'avait pas sur son portable tous les graphes qu'avait produit Laura, et le décalage horaire ne jouait pas en sa faveur, il était déjà tard à Milan. Il fallait non seulement qu'elle parle de cette anomalie de la distribution temporelle du flux de neutrinos, mais si en plus elle pouvait apporter une réponse à la question du vieux chinois, celle à laquelle Yakamura n'avait pas répondu, ça serait vraiment top pour Ice Cube. elle appela Laura dès la fin de la session de présentation. Est-ce que tu peux m'envoyer des graphes des courbes de décroissance du flux ? Hyperkalmankandé l'ont montré aussi, mais sans conclusion très pertinente. Il faut que je le montre aussi. Ok, je vais t'envoyer ce que j'ai. Je vais mettre les légendes en anglais. Est-ce qu'ils voient le Titan 44 ? Non, eux non plus. Ils arrivent quand même à isoler une fraction attribuable au nickel et au cobalt avec la vélocité de l'onde de choc. Mais l'autre population, pour eux, ça serait un mélange avec des périodes de décroissance radioactive de plusieurs mois ou plusieurs années. C'est presque plat, comme ce qu'on voit. Ça vient pas de nous alors, répondit Laura. Eh non, c'est pour ça que je pense que c'est bien d'en parler aussi, même sans donner une analyse approfondie, hein, qu'on n'a pas encore faite de toute façon. Je présenterai ces graphes comme des résultats préliminaires. Super. Et il y a une autre chose. Il y a eu une question qui a été posée, très intéressante, et j'aimerais bien avoir une réponse. Yakamura n'a pas répondu, ou plutôt, il a botté en touche. Est-ce que tu as regardé si on pouvait retrouver les différentes périodes de décroissance, mais en les dilatant toutes par le même facteur, comme si elles subissaient toutes la même dilatation temporelle relativiste ? Toutes avec le même facteur ? Non. Mais je peux regarder ça assez vite. Tu veux la réponse pour quand ? Tu voudrais en parler aussi, si c'est le cas ? Ah bah ça serait bien, ouais. Et peu importe le facteur que tu trouves, hein, ne te censure pas, même s'il est grand. Je jugerai si ça me semble physique ou non. Il faudrait au moins pouvoir répondre à la question si elle était encore posée. Bon, s'il y a vraiment un truc comme ça, bien sûr, je mettrai des pincettes en disant que c'est tout chaud et pas encore complètement vérifié. Mais que ça pourrait être une voie d'explication de cette anomalie. Ça serait bien d'être les leaders sur cet aspect, tu vois. Bon, je cause demain matin à 11h20. Je dois te donner mes slides à 9h20 max. Ça fait 16h20 chez toi. Ça te semble jouable ? Oui, j'aurai assez de temps d'ici là pour faire les premières vérifications et les tests statistiques. Et puis refaire quelques figures. Merci, Laura. De rien. Et au fait, t'as vu d'autres talks intéressants ? Le mail de Laura était arrivé dans la nuit. Elle avait eu le tact de ne pas réveiller sa directrice de thèse. Christina le vit seulement 10 minutes après s'être réveillée. Il était 6h45. C'était la première notification qui apparaissait sur son terminal. Laura avait fait le calcul qu'elle lui avait demandé et elle obtenait un résultat très intéressant, au-delà de ce qu'on pouvait même espérer, avec une très bonne robustesse statistique. La décroissance dans le temps du flux de neutrinos pouvait bien être ajustée par une somme de courbes de décroissance radioactive qui correspondait exactement aux périodes de décroissance du nickel 56, du cobalt 56 et du titane 44, mais à condition de toutes les multiplier par un facteur 6,71. Le nickel 56 se retrouvait avoir une période de décroissance de 40,3 heures au lieu de 6 heures. Le cobalt 56, 518 jours au lieu de 77,2 jours. Et le titane 44 décroissait avec une période de 402,6 ans au lieu de 60 ans. L'explication était simple. Ces noyaux d'atomes étaient en mouvement rapide, un mouvement relativiste qui avait pour effet de produire une dilatation temporelle. Un facteur de dilatation temporelle égal à 6,71 correspondait à une vitesse de 0,9888337217C très exactement. Laura concluait son email en disant que ça ne pouvait être qu'un phénomène de vent de pulsar qui soit à l'origine d'une telle accélération de particules. Encore une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, de la présence d'un pulsar dans le résidu de Bételgeuse. Christina repensa à ce qu'elle avait lu sur les pulsars. Le vent de pulsar était un phénomène essentiellement induit par le champ magnétique en rotation. Il apparaissait dans les rares cas où le champ magnétique était très intense en même temps que la rotation de l'étoile était très rapide. Christina se souvenait que Bételgeuse avait été observée quelques années avant avoir une rotation sur elle-même beaucoup plus rapide que ce qu'on attendait pour une supergéante rouge. ce vent de pulsar était maximum au niveau de l'équateur magnétique d'une étoile à neutrons. Ça collait d'autant mieux qu'on n'avait toujours pas détecté la moindre pulsation dans quelque longueur d'onde que ce soit. L'axe magnétique devait être quasi perpendiculaire à la ligne de visée. On ne pouvait donc pas voir le faisceau d'ondes radio pulsées. En revanche, on faisait face au maximum du vent de pulsar. Mais ça change tout, en fait ! Christina était assise sur le bord du lit, incrédule. Alors que l'apparition d'un trou noir n'avait pas de conséquences pour nous, c'était très différent maintenant. Le pouvoir d'accélération d'un pulsar n'avait rien à voir avec celui d'un trou noir. Ce flux de particules ultra-énergétiques se dirigeait droit vers nous. Le phénomène d'accélération de particules et de noyaux d'atomes n'apparaissait que dans une minorité de pulsars, ceux qui étaient le plus fortement magnétisés. On les appelait souvent les grands accélérateurs cosmiques. La structure de l'onde de choc produite dans l'enveloppe gazeuse par la supernova, associée à la présence de champs magnétiques complexes en rotation, des millions de fois plus intenses que celui du Soleil, pouvait former ce vent de particules. Le vent de pulsar pouvait être constitué d'électrons, de protons, mais aussi de tous les noyaux d'atomes qui se retrouvaient dans les couches internes de l'enveloppe de l'étoile morte. Le fer, le nickel, le cobalt, le silicium et d'autres joyeusetés, stables ou radioactives. Le scénario était devenu clair pour Christina. Bételgeuse se trouvait moins loin que ce qu'on pensait. Elle était moins lumineuse et donc moins massive. Elle n'avait ainsi pas produit de trou noir en explosant, mais au contraire un pulsar fortement magnétisé, orienté perpendiculairement à la ligne de visée. Et ce pulsar, à 472 années-lumière, était en train de nous envoyer un faisceau de particules ultra-énergétiques avec une vitesse proche de la vitesse de la lumière. L'intensité du flux de neutrinos qu'on avait déjà reçu depuis la bouffée initiale devrait donner une indication sur la quantité de matière qui se trouvait dans ce plasma en cours de propagation à très grande vitesse. « Mais dans combien de temps les particules vont arriver ?» se demanda Christina. Elle sortit son terminal pour faire le calcul. Avec une distance de 472 années-lumière et une vitesse de 0,9888-33721C, merde ! 4 ans ! Son écran affichait 5,33. Il lui restait à peine plus de 2 heures pour tout expliquer sur son PowerPoint. Pour une fois, elle allait sauter l'instant sacré du petit déjeuner. Elles avaient fait leur travail, aux autres maintenant de faire des vérifications et de tenter de montrer qu'elles avaient tort.